trouver sur le net. Democracy. Democracy. Democracy. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. La démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. La démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Démocratie. Je me suis dit dans les micros ouverts en fait que c'était chouette d'entendre en fait un peu qui parle même quand je vais chercher du son sur le net. Alors pas forcément dans ce cas-ci parce que ça ferait de la pub pour l'un ou l'autre et franchement ça m'intéresse pas du tout, ni de faire de la pub pour un parti, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entendre ce qui se dit. Donc là, il s'agit de gens qui gèrent des rapports de force dans le pays qui est la Belgique, hein. C'est des mots qui ont leur importance. Alors à entendre, écouter, ça vaut la peine, c'est comme si il y avait des gens qui disaient n'importe quoi, voilà. Et là j'ai essayé de montrer que il y a des mouvements sociaux qui se mettent en place, hein. Il y a des rapports de force contre ce gouvernement mis en place, et il y a comme, qui dirait, des gens qui racontent n'importe quoi, qui mentent, quoi, en gros, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Enfin voilà, ça donne cette impression-là. On ne peut pas améliorer la pension, on ne peut pas améliorer la sécurité sociale sans avoir des revendications politiques, mais nous, notre politique, elle n'est pas partisane. On n'est pas cul et chemise comme la NVA. Et le vocal, on n'est pas cul et chemise comme l'AFB et le gouvernement Michel. Notre politique à nous, nos options politiques sont des options politiques à long terme et non pas des options politiques partisanes. Revenons à votre mode d'action. Vous avez réfléchi au sein de Belgique et bien à trouver d'autres modus operandi que la grève. Hein. Il y a eu des actions de sensibilisation dans les gares, il y a eu aussi des mouvements sur les réseaux sociaux. Parce qu'à un moment donné, quoi, vous sentez aussi que vous devenez impuissant vis-à-vis justement de ces mouvements de grève et de l'impact que ça a sur le jeu. On n'est pas impuissant. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous avons peut-être un devoir au niveau des organisations syndicales, c'est d'essayer d'être un des éléments rassembleurs de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que si on voit le monde associatif, les mouvements citoyens et autres types de mouvements qui naissent aujourd'hui, nous, les organisations syndicales, nous aurons un rôle de plus en plus important à faire pour essayer de fédérer. Et pas du tout diriger, mais fédérer l'ensemble de ces mouvements-là. Je suis intimement persuadé que ces mouvements représentent largement la majorité de la population, raison pour laquelle il faut qu'on s'unisse. Et pour l'instant, votre mode d'action, ça se situe au sein de la concertation sociale. C'est là que vous fédérez justement vos forces. Or, on avait assorti à différents leaders de gauche, le patron de la VTB, notamment Robert Lertenay, qui dit ceci dans La Libre: on est dans le déni du droit de s'exprimer, on remet en cause notre droit fondamental en démocratie. On n'est pas dans une république bananière, mais si on n'y prend pas garde, on pourrait le devenir. C'est assez fort, ça veut dire qu'en gros la concertation sociale c'est mort pour l'instant. Ça c'est une des marques de fabrique des gouvernements aujourd'hui. Au fédéral, on le vit depuis plus de 3 ans, au niveau wallon, on le vit maintenant depuis. Ça veut dire qu'en gros la concertation sociale c'est mort pour l'instant. Ça c'est une des marques de fabrique des gouvernements aujourd'hui. Au fédéral, on le vit depuis plus de 3 ans, au niveau wallon. Ça c'est une des marques de fabrique des gouvernements aujourd'hui. Au fédéral, on le vit depuis plus de 3 ans, au niveau wallon, on le vit maintenant depuis 1 an. On le vit maintenant depuis 1 an. C'est une des différences entre la gauche et la droite. En effet, quand la droite est au pouvoir, elle ne respecte pas la concertation sociale. En tant qu'LGTB, moi je n'ai encore jamais été reçu une seule fois par le ministre-président. On a eu 4 ou 5 réunions du GPSO avec les patrons. Plan d'investissement wallon, nous n'avons pas été consultés à l'avance au niveau des organisations syndicales. Je me rappelle d'une phrase de Vincent Leclerc qui disait: il faut arrêter de croire que quand un entrepreneur crée une entreprise, c'est pour créer du bonheur ou du bien-être, c'est pour créer de l'activité économique et éventuellement gagner de l'argent. Quand on ne concerte que les entrepreneurs, on ne marche que sur une jambe. Et je considère qu'en effet, aujourd'hui, on a un gouvernement wallon qui ne respecte pas 650 000 wallons. Je représente quand même au travers de la JT Wallonie 650 000 travailleurs wallonis. Mais quand Michel Jadot, le président de Mutualité Socialiste, dit qu'il n'y a plus moyen de discuter avec le patronat en Belgique? Le problème, c'est que, en fait, quand le patronat nous reçoit, au niveau wallon à la tête du GPSOM, au niveau fédéral, au groupe des 10, c'est toujours pour nous dire ce qu'ils vont faire, c'est pour nous informer, mais ce n'est pas pour concerter. Et la concertation sociale, ce n'est pas de l'information. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le mensonge wallon au niveau du MR. Je rappelle que quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit on ne touchera pas aux accords qui ont été pris entre les interlocuteurs sociaux dans le fameux modèle Mozan, qui est à la poubelle maintenant. Et depuis lors, qu'est-ce qui se passe? L'accord APE est revu, l'accord sur la réforme de la fonction consultative est revu, et l'accord sur les aides à l'emploi, je vous promets qu'il sera revu. Monsieur le Premier ministre, la colère est profonde au sein de la population. Que ce soit à Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre. Ik heb over het laatst gezien, bij de laatste peilingen, heeft de regering eigenlijk geen meerderheid meer. Je voelt dat heel ferm. Bij de mensen in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel is er echt wel een zekere woede van dit kan niet meer zo doorgaan. Waar gaat men naartoe in onze maatschappij? Vers où veut aller ce gouvernement? Il ne nous écoute plus, il n'y a plus de négociations, on n'écoute plus les partenaires sociaux, on n'écoute plus les gens, on fonce comme si on devait tenir compte de rien du tout. Je vais finir, monsieur Verstraten, vous aurez la parole tout à l'heure. Je constate que dans les sondages, on a même demandé un peu ce que les gens pensaient de vos mesures. Wat denken de mensen van een tax shift? 7% steunen de tax shift, 7%. Geen meerderheid voor de wet Peters. Mensen voelen het, er gaat iets niet. Als we het over de wet Peters hebben, ik was op de betoging verleden, ja, eergisteren. Ja, tuurlijk dan, hè. 80.000. Ja. Ja, maar je zou beter eens afkomen. En dus 80.000 en in het parlement ook. Hè. En wat ik daar gehoord heb, is van, wij willen baas bij van ons eigen leven. Nous ne voulons pas cette flexibilisation de nos vies. Alors vous dites, monsieur le Premier ministre et monsieur Chris Peters, on m'a mal compris. Alors vous êtes vraiment le gouvernement des incompris. C'est chaque fois, on ne nous comprend pas. Les gens ont très bien compris de quoi ils retournent. Il n'y a personne qui a dit que le travail hebdomadaire allait être mené à 45 heures. Personne n'a dit ça. Mais je vous pose la question. Est-ce que oui ou non, après la loi Peters, il y aura des semaines où pendant l'année, il faudra travailler jusqu'à 45 heures? Est-ce que les parlementaires de droite peuvent répondre par oui ou par non à cette question-là? Et moi, je l'ai dit haut et fort, avec la loi Peters, il y aura des semaines où les gens devront travailler 45 heures. Deuxième point, le pot des 100 heures supplémentaires, 2 heures par semaine, qui sont négociables directement avec un travailleur individuel. Est-ce que oui ou non, ce pot de 100 heures va mener à une augmentation linéaire de la durée de travail de 2 heures par semaine? C'est ça que les gens veulent savoir, les gens ont droit à connaître la vérité. Et dernière question, monsieur le Premier ministre. Pour l'instant, on le voit dans plein de secteurs, il y a une absence totale de concertation sociale. Allez-vous, oui ou non, redonner le cadre pour un petit peu d'oxygène à notre démocratie sociale, ou allez-vous continuer à étouffer notre société, à polariser notre société, ce qui garantit une image vers l'extérieur scandaleuse de la Belgique? Je vous remercie. Je lance un appel. Je lance un appel aux partenaires sociaux. Je lance un appel aux syndicats pour être à nos côtés, autour de la table, pour faire en sorte que l'on puisse concrétiser ces engagements, que l'on cesse cette désinformation, que l'on cesse cette contre-vérité, que l'on respecte qu'il y a un gouvernement avec une majorité qui décide d'aller de l'avant, de concrétiser un certain nombre de réformes. Et enfin, je conclue par cela. J'entends un certain nombre de messages, d'appels à une certaine forme de régression, de conservatisme. Monsieur Raoulet Debout, je voudrais vous l'indiquer, il n'y a pas dans ce pays de majorité parlementaire pour votre projet de régression sociale. Alors, monsieur le Premier ministre, il paraît que vous dites qu'il n'y a pas de majorité pour une régression. Moi, en tout cas, ce que je constate, c'est qu'il n'y a aucune majorité dans la population pour bosser jusqu'à 67 ans. Vous ne l'aviez même pas dans votre programme électoral. Il n'y a aucune majorité pour avoir le saut d'index, c'était même pas dans vos programmes électoraux. Vous avez dit à personne que vous allez retirer 3 milliards de la SNCB, personne n'avait dans son programme. Elle est où votre soi-disant autorité démocratique aujourd'hui pour dire toutes ces mesures-là? Tweede vraag, 45 uur. Zeg, lezen jullie zelf jullie teksten soms? Echt waar, iedereen, nee, we hebben dat nooit gezegd, 45 uur. Lees ik dat soms wat meneer Peters schrijft, of is dat echt zo niet belangrijk? Is dat alleen maar voor de CD&V of wat? Even lezen, als je op de website van Travail sur mesure, werkbaar werk, wat leest je hier? Meneer Peters, écoutez bien, les députés de droite, je vais vous lire ce que votre propre ministre écrit. 1, 2, 3, on y va. La période de référence pour le calcul de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sera légalement fixée à 1 an. La durée journalière du temps de travail et la durée hebdomadaire du temps de travail ne pouvant respectivement pas dépasser 9 et 45 heures. Cela veut dire, et personne n'a avoué ça ici aujourd'hui, que oui, il y a des travailleurs qui vont devoir bosser 45 heures par semaine et même 50 heures effectivement. Ah, ça on n'aime pas, ça on n'aime pas. Et avant-hier, meer dan 60.000 mensen op straat gekomen te zeggen die weken van 45 uur werken, dat willen wij niet. En het is daarvan dat jullie bang zijn, want jullie voelen het goed vandaag, dat jullie democratisch geen draagvlak hebben om 45 uur per week te werken. En dat vind ik ambetant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, waouh, tu sais compter jusque 10. Rencontre alors avec Anne-Emmanuel Bourgault. Chez toi, hein, voilà, donc on se tutoie, et j'avais envie de te rencontrer parce que, en fait, tu faisais partie d'un débat au Point Culture d'Ixelles, et ça s'appelait « Des institutions politiques représentatives ». Tu étais là avec d'autres personnes, et je trouvais que, voilà, tu étais très intéressante, et tu parlais aussi que tu avais fait une thèse sur la Constitution. Et du coup, ben, j'avais envie de démarrer comme ça. Plus aussi, alors, te présenter toi, puisque qu'est-ce que tu auras envie de dire pour te présenter, et puis parler de ta thèse pour commencer, et puis on verra comment les choses se passent. D'accord. Eh bien, donc, moi, je suis en effet constitutionnaliste, mais j'ai fait une thèse, alors qui est peut-être original pour une constitutionnaliste, parce que je me suis posé la question de la place de la démocratie dans la Constitution. Et donc j'ai fait une thèse en sciences juridiques, comme on les appelle, et je suis partie du point de départ suivant, c'est de me poser cette question. On a tous l'impression, même la conviction, qu'on est en démocratie. Un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit, on est en démocratie, et j'avais envie de questionner ce postulat. Et du coup, pour faire ça, je suis remontée aux origines de la Constitution belge, c'est-à-dire quand on est devenu indépendant en 1830-1831, et puis j'ai essayé d'observer ce qui s'est passé au grand moment constitutionnel 1919-1921, l'octroi alors du suffrage universel, ça me fait toujours rire parce que c'est le coup de marketing du siècle d'appeler ça le suffrage universel alors qu'en fait il n'était que masculin. Et puis 1948 et aussi le fédéralisme. Le 1948, c'est le droit de vote des femmes, et alors cette transformation de l'État unitaire en État fédéral pour tomber sur l'époque actuelle. Voilà ce que j'ai fait. Et alors, ce qui est chouette, c'est qu'au départ, toutes mes formations, ma formation de juriste, et aussi parce que j'ai travaillé en politique, concouraient à ce que je pense que oui, on est en démocratie, voilà, on est en démocratie, et que la démocratie représentative, c'était la quintessence de la démocratie. Et en fait, j'ai vraiment changé d'avis pendant mes recherches, en observant l'évolution. En ce sens, c'est une vraie thèse, parce qu'une thèse, ça doit être une démonstration originale. Alors là, pour le coup, c'était vraiment original, parce que j'ai commencé en pensant quelque chose, et puis vraiment, je veux dire, ça a été un vrai exercice de pensée, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le scénario qu'on avait en tête, et que les choses étaient beaucoup plus compliquées que « nous sommes en démocratie, point ». Alors, pourquoi je dis ça ? Mais parce qu'au fond, quand on retourne à l'histoire, les choses sont claires en 1800-1831. C'est pour ça que je suis partie de là aussi, parce qu'on on a moins de difficultés à penser ce moment dans les livres d'histoire. On sait tous qu'à l'époque, c'était le suffrage censitaire. Donc, on sait tous que ce n'est pas la démocratie à ce moment-là. Et donc, on sait aisément le penser. On n'a pas ce que j'appelle les obstacles ou les œillères pour penser et regarder ce moment, puisque ça, on l'a appris. On sait, le suffrage censitaire, ce n'est pas la démocratie. Je fais juste une petite remarque. Mais avant ça, ça ne t'a pas intéressé, avant 1830? Parce que tu dis, oui, après 1830... Ouais. On voit bien quoi, parce qu'il y a des écrits, des traces écrites ou... Alors, en fait, si, ça m'a intéressé aussi, parce que justement, pour comprendre 1830, c'est intéressant de remonter avant et ce qu'on qualifie d'ancien régime. Et alors là, on peut en parler aussi. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'une des choses qui m'intéresse, c'est que, de nouveau, alors là, je sors de la Belgique. Dans l'histoire européenne, on a un peu un moment ancien régime. Et l'ancien régime, c'est mal, hein, c'est péjoratif. Et nouveau régime, État moderne, et en général la charnière, c'est 1789, ça c'est bien. Eh bien moi, mes travaux, mes recherches, alors de ma thèse, mais plus généralement, parce que je donne un cours d'histoire du droit, me font penser que quand même, cette binarité avant l'ancien régime c'est mal, nouveau régime c'est bien, eh bien, de nouveau, il y a des choses à faire et à repenser et à nuancer. Par exemple, ça m'a servi dans ma thèse, le lien entre délégués, représentants et représantés étaient très différents dans les anciennes assemblées. Je m'explique, dans les États modernes, en Belgique à l'heure actuelle et en général dans le monde occidental, la pierre angulaire de la relation représentative, c'est l'indépendance des parlementaires et le fait que, justement, c'est un postulat hérité de la fondation du gouvernement représentatif, c'est cette idée que les représentants doivent pouvoir œuvrer en toute indépendance, libre des amarres, vraiment, parce que eux, on savent ce que c'est l'intérêt général, parce que eux, ils savent en fait nous guider, ils savent mieux que nous. En fond, le postulat encore à l'heure actuelle, c'est l'idée que les gouvernants sont sur un piédestal. Alors ça m'intéresse évidemment, parce que par ailleurs, on déplore le fossé entre les électeurs et les élus. On déplore la distance qui s'est instaurée en les représentant et les représentés. Et or, une des choses que je montre dans ma thèse, c'est que il ne faut pas le regretter, puisque c'est comme ça qu'on a créé le système. Parce qu'on a créé le système sur base de ce postulat. Et on a plein d'auteurs qui nous expliquent en quoi c'est tellement bien que les représentants soient indépendants des représentés. Mais donc, c'est ce qu'on a voulu. On l'a voulu, on l'a eu, comme on dit. Et donc... Oui. On l'a voulu, c'est qui l'a voulu? Alors chez nous, au départ, c'est le constituant originaire de 1830-1831 qui était pétri de cette idée qui était très à la mode à l'époque, au début du 19e siècle, mais aussi au début du 19e siècle, donc de cette idée que les représentants et la représentation, c'était la quintessence du gouvernement représentatif, et que c'était le mieux pour guider une nation. Et ce que je montre, si tu veux, ça, donc ça n'a pas changé, parce qu'on n'a pas remodelé ça. L'idée que les représentants sont indépendants des représentés, on n'a pas changé, on n'a pas mis des mécanismes dans la Constitution, ou dans le droit en général, qui lient plus intensément, plus étroitement, les élus aux électeurs. Et ça, pourquoi on a fait ça à l'époque? Parce qu'on croyait que le gouvernement représentatif et la représentation, c'était le mieux, parce que précisément, on postulait la supériorité des élus par rapport aux électeurs. Bon, il y avait une raison simple à l'époque, notamment, c'était qu'il y avait une grande partie de la population était encore analphabète, et puis de toute façon, on est dans une époque censitaire. Donc, il y avait l'idée que la représentation, c'était le diamant de l'organisation politique parce que allaient arriver au pouvoir les meilleurs, les plus instruits, les plus nantis, les plus intéressés, nous disent les congressistes de 1830, au bien-être général. Et ça, on a pensé ça en Belgique, comme on avait pensé ça en France, comme on a pensé ça aux États-Unis. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est qu'on n'a pas remis en cause ça, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le schéma dans lequel on est en Belgique, c'est, au fond, on sait que c'était un moment élitiste, aristocratique en 1830, et on a tout à fait raison de penser ça. Mais après, le schéma qui vient ensuite, c'est que l'idée selon laquelle on aurait basculé dans la démocratie en 1919-1921, quand on a donné le suffrage universel, le suffrage universel masculin, donc non universel, mais en tout cas, qu'on a supprimé tout droit de vote censitaire. Or ça, justement, en observant à partir des principes constitutionnels qu'on avait mis en place en 1830, en observant ce qu'ils deviennent en 1919-1921, moi j'ai remarqué qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et pourquoi c'est plus compliqué que ça? Parce que, tout simplement, les côtés élitistes, les principes aristocratiques qui sont mis dans la Constitution en 1830 ne se limitent pas à la limitation censitaire du droit de vote. Autrement dit encore, la seule manière d'assurer que n'arrivent au pouvoir que les meilleurs, les plus instruits, les plus nantis, l'élite de la nation, eh bien, pour arriver à ce résultat, on ne met pas un principe dans la Constitution, on en met plusieurs. Or, qu'est-ce qu'on fait en 1919-1921? C'est qu'on démocratise le droit de vote, et encore, on ne coupe pas les femmes. C'est bien que tu le dises à chaque fois. Non, parce que franchement, c'est vraiment le coup de marketing du siècle de parler du suffrage universel. Mais bon, donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on démocratise le droit de vote. Mais or, ce n'est pas le seul principe aristocratique qui était hérité de 1830. Pour prendre un exemple, il y avait des discussions passionnantes là-dessus. le fait de bien rémunérer le mandat parlementaire, et je sais que ce n'est pas à la mode parce qu'on parle des abus, on est peut-être tombé dans un autre travers à l'époque actuelle, ça c'est vrai, et on pourra en reparler, mais en tout cas, le principe de rémunérer le mandat parlementaire, c'est très important si on veut que des gens qui n'ont pas des ressources personnelles et qui ne sont pas riches de famille ou grâce à leur profession arrivent au Parlement. Et on en était conscient en 1830 et on en était d'ailleurs aussi conscient en 1919-1921. Ça, pour garantir une certaine démocratisation de l'accès au mandat parlementaire, il fallait justement rémunérer les mandats parlementaires pour permettre aux classes défavorisées d'arriver au Parlement. Eh bien ça, en 1919-1921, ça va faire l'objet de discussions homériques parce que tout le monde est conscient que ce soit les conservateurs qui veulent en fait, qui ont très peur de cette vague de démocratisation ou les défenseurs de la démocratisation, il va y avoir des discussions passionnantes là-dessus. Mais il va y avoir d'autres discussions, par exemple la consultation populaire et le référendum, dont on pourra en revenir. Le caractère démocratique à l'heure actuelle est décrié ou critiqué ou contesté, ce qui, moi, chaque fois m'étonne, parce que dans l'histoire constitutionnelle belge, il n'y a jamais eu aucun doute. En 1830, on ne veut pas de la consultation populaire et du référendum, qu'on appelle à l'époque l'appel au peuple, parce qu'on veut tout, alors sauf justement de la démocratie directe. D'ailleurs, la démocratie directe est vue comme une espèce de vestige barbare des temps passés, et je l'ai déjà dit, la quintessence et le diamant d'organisation politique, c'est la représentation. Donc on ne veut pas de la démocratie directe. Mais on sait que c'est la démocratie, il n'y a pas de doute là-dessus. En 1919-21, de nouveau, on le sait, les débats les plus passionnants de cette réforme-là n'ont pas lieu sur le suffrage universel qui n'est pas universel. Ils ont lieu, par exemple, sur la consultation populaire et le référendum, où les choses sont claires, de nouveau, dans la joie ou dans le regret. Ceux qui veulent plus de démocratie se battent pour la consultation populaire et le référendum parce qu'ils savent que le droit de vote ne suffit pas. Et ceux qui ne veulent pas, qui sont en fait les élites en place, qui sont déjà terrifiés à l'idée que des masses bêlantes rentrent dans les bureaux de vote, alors la dernière chose qu'ils veulent, c'est qu'en plus ces masses bêlantes puissent se prononcer elles-mêmes sans le fil de la représentation. Et donc il y a des débats homériques, il y a un député qui dit à l'époque, et il a raison, il a dit, évidemment ceux qui vont à l'égalité politique, comme le condamné va à l'échafaud, sont contre le référendum et la consultation populaire, ils sont logiques avec eux-mêmes, mais il n'en demeure pas moins que l'égalité politique, c'est le référendum et la consultation populaire. Donc les choses sont claires, c'est à l'heure actuelle, parce que, on veut revenir, parce que le Brexit, parce que la Catalogne, et parce que maintenant peut-être, en effet, ça pourrait être une avancée que moi j'appelle de mes voeux, une avancée concrète pour plus de démocratie, que, alors évidemment, plutôt que de parler du fond et de la raison pour laquelle on ne voudrait pas que les gens s'expriment eux-mêmes directement sans le fil de la représentation, eh bien, plutôt que de parler de ça, du fond, on dit, non, en fait, ce n'est pas de la démocratie. Mais donc, pour reprendre le schéma, le moment est clair. En 1830-1831, on est face à un gouvernement élitiste, on est face à un gouvernement aristocratique. Ça, on le sait, tout le monde le sait. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est qu'il n'y a pas un principe qui garantit que seuls les meilleurs ou seuls ceux qui sont décrétés comme étant les meilleurs arrivent au pouvoir. Il y en a plusieurs. Mais en 1919-21, on sait toujours ça. On sait toujours, d'ailleurs, c'est tellement vrai que le Premier ministre, comme tous les premiers ministres sont rarement des grands révolutionnaires, ouvre les chantiers constitutionnels en disant la simple modification du droit de suffrage ne suffira pas pour atteindre la démocratie. Donc, tout le monde le sait. Tout le monde sait que le suffrage universel masculin ne sera pas suffisant. Mais à partir de ce moment-là, et singulièrement au sein du Sénat, parce que le Sénat devient une forme de forteresse aristocratique dans laquelle les élites vont se réfugier pour barrer, et c'est dit comme d'elle, pour filtrer, endiguer, canaliser les forces démocratiques que, en fait, les élites voient encore avec terreur. Non seulement on ne va faire pas que le suffrage universel masculin, mais on va faire barrage à toute une série de réformes dont on sait pertinemment qu'elles approfondiraient la démocratie, et en plus, ça c'est le pompon de la popinette, on va mettre des mécanismes. Ils disent même, d'ailleurs à l'époque, les élites disent, il faut qu'on ait des garanties. Sous-entendu, il faut qu'on ait des garanties. Là, maintenant que n'importe qui va rentrer dans les bureaux de vote, il faut qu'on ait des garanties, eh bien, pour que le statu quo, pour que les forces conservatrices, pour que les élites gardent le pouvoir. Par exemple, au Sénat, On va mettre des catégories d'éligibles pour être sûr que quand même n'importe qui ne risque pas de tacher les beaux sièges rouges du Sénat. C'est un exemple parmi d'autres. On ne va pas consacrer, on va continuer la gratuité du mandat sénatorial parce qu'on sait très bien qu'alors, dans ce cas-là, n'importe qui ne pourra pas aller au Sénat. Et j'insiste là-dessus parce que, autant, on pourra en reparler, je suis une des celles qui vraiment pense qu'il faut une vraie révolution démocratique, en ce compris sur la moralisation de la vie politique, autant il faut bien s'en rendre compte que rémunérer justement les mandats parlementaires, c'est essentiel à la démocratie. Parce que si on ne le fait pas, ben c'est les plus nantis, les plus riches et les plus privilégiés qui s'asseyent sur les sièges du Parlement. Et alors, pour boucler la boucle, en fait, ce qui se passe, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'à force de marteler le suffrage universel, et c'était nécessaire pour l'obtenir, hein, tant les forces et les résistances étaient fortes, c'est que peu à peu, au lendemain de 1919-21, le suffrage universel, qui est un petit malin, comme je le dis souvent, va peu à peu attirer à lui toute la charge démocratique de notre gouvernement représentatif. Autrement dit encore, c'est presque un scénario de BD, en fait, de comics. Au fond, on va croire qu'on est tombé dans la démocratie comme Obélix grâce au suffrage universel, alors que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et du coup, non seulement on ne va pas approfondir la démocratie, puisqu'en plus, bah, de toute façon, puisqu'on est déjà en démocratie, il est plus nécessaire de s'en soucier, mais en plus, ce qui va arriver, là, c'est toutes les réformes fédéralistes qui ne seront pas sans influence sur le caractère démocratique de notre gouvernement, parce que ça, alors ça, j'en suis de plus en plus persuadée, la complexité institutionnelle, le fait que, en fait, plus personne ou très peu savent à quel niveau de pouvoir on peut faire quoi et dans quelles conditions, est aussi efficace que le plus grand des conservateurs, un des plus grands conservateurs qu'on ait connu dans ce pays, c'est Charles Wust, qui a été absolument contre toutes les réformes de démocratie. Il était contre le suffrage plural à la fin du 19e siècle, il était contre le suffrage des hommes en 1919-21, il était évidemment contre le référendum, la consultation populaire. Bref, en fait, le type était cohérent, c'était un élitiste conservateur. Mais à l'heure actuelle, on n'a même plus besoin de Charles Wust, en fait. On a la complexité institutionnelle. Parce qu'en fait, quand on doit approfondir la démocratisation, c'est déjà compliqué de savoir, mais au fond, c'est qui? C'est l'État fédéral, c'est la Chambre, c'est le Sénat, c'est la communauté, c'est la région. Il y a un truc là-dessus, j'ai entendu récemment, je la trouve ça trop bonne, il y a une phrase qui dit que si tu comprends bien le gouvernement en Belgique, hein, les lois, les règles, c'est qu'on te l'a mal expliqué. C'est pas mal comme idée. Tellement c'est compliqué, tu vois. Évidemment, moi, comme je suis prof de droit constitutionnel, si, j'espère, il faudrait demander à mes étudiants, parce qu'au fond, je ne sais pas ce qu'ils penseraient de ça, parce que c'est une des choses les plus compliquées, c'est dans mes cours... C'est ce que je leur dis, c'est vous au moins, et en plus, vraiment, je les charge de transmettre la bonne parole, enfin, sans vision missionnaire, bien sûr, mais on essaye en tout cas, et on s'attelle à faire avec mes étudiants un travail pédagogique à destination de leurs proches, de leur famille, mais aussi du grand public, parce qu'on est absolument persuadé que ça ne va pas, il ne va pas, qu'en Belgique, pour comprendre les institutions, il faut être étudiant en droit et suivre un cours de droit constitutionnel. Ce n'est pas normal. Oui, vous s'intéressez vraiment à la chose, quoi. Même en s'intéressant spontanément, autodidacte, ça marche pas. Je pense qu'on a atteint un degré de complexité pour comprendre Nabokov. On a beau être autodidacte, pour comprendre même BHV, que je trouve extrêmement compliqué, pour comprendre les subtilités du bicaméralisme, même en autodidacte, c'est très compliqué. Alors peut-être que c'est parce que, vous voyez, je suis le nez dessus que j'amplifie la complexité, mais je pense pas. Par exemple, pour n'en prendre qu'un exemple, dans les conséquences de l'affaire Publifil, les conséquences de l'affaire Publifil et les réformes à faire, il y a des très délicates questions de répartition des compétences qui se posent. Un exemple des cumuls, ça a déjà fait l'objet de recours et de débats devant la Cour constitutionnelle, parce que savoir qui peut réglementer le décumul à quel niveau, ne reçoit pas de réponse évidente. Or, évidemment, c'est tellement facile alors pour le monde politique de se retrancher derrière une question juridique, ça c'est toujours la même chose, on dit en fait c'est pas qu'on veut pas le faire, c'est qu'on croit qu'on n'est pas compétent. Donc c'est en or, quand je dis que la complexité institutionnelle est encore plus efficace qu'un Charles Wust, c'est tout à fait vrai, parce qu'en plus ça permet d'avancer masqué. Anne-Emmanuelle Bourgaud, c'est super passionnant, mais on essaye de garder le fil, c'est-à-dire que y a, je vous vois, je tutoie, il y a ta thèse, donc tu fais de la recherche pour savoir, si j'ai bien compris, c'est en Belgique que ça se passe, La Belgique est-elle démocratique? Tu fais de la recherche tu découvres en fait qu'elle n'est pas démocratique et qu'en plus c'est constitutionnel, quoi. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est la fin des haricots, comme on dit. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Parce que tu partais avec l'idée que... Vraiment, tu partais avec cette idée-là, genre la Belgique, on est en démocratie. En fait, c'est intéressant comme question, on ne l'a jamais posée, c'est chouette, merci beaucoup. Parce qu'en fait, non, c'est vrai que ça a été un peu la... Alors, pour nuancer d'ailleurs, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout démocratique, hein, parce que le suffrage universel, il faut... Maintenant, en plus qu'il est féminin depuis 1948, c'est vraiment de la démocratie. Donc, je ne dis pas qu'elle n'est pas du tout démocratique, mais que par contre, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et que donc, le suffrage universel est nécessaire à la démocratie, mais il n'est pas suffisant. Et or, on fonctionne comme si le suffrage universel était l'alpha et l'oméga de la démocratie. En fait, quand je me suis rendu compte de ça, j'étais terriblement excitée, en fait, parce que je trouvais ça génial de partir d'un point de vue, notamment quand, dans ma formation de juriste, on m'a tellement répondu, on m'a tellement appris que la démocratie représentative, c'était l'alpha et l'oméga de la démocratie, que voilà, j'en étais convaincue. Et donc, quand j'ai découvert ce que j'ai découvert, j'étais très enthousiaste et à la fois c'était très angoissant parce que maintenant plus il y a plus de critiques, il y a des livres comme par exemple le livre de David Van Redbroek contre les élections qui est sorti depuis, donc je me sens moins seule. Mais à l'époque, quand j'ai défendu ma thèse, je me sentais un peu esseulée. Mais quelle année alors pour qu'on... J'ai défendu ma thèse en 2013, fin 2013. Et alors peut-être la première conséquence, c'est que mon comité d'accompagnement a été, eh bien écoutez, il y a eu de tout. Il y a eu des gens qui étaient vraiment très enthousiastes à l'idée de me suivre dans cette voie originale, et puis eh bien écoutez, il y en a d'autres à qui ça n'a pas du tout plu. Bon voilà, c'est bien la preuve que c'était une thèse, parce que je dis toujours, s'il y a des doctorants d'ailleurs qui écoutent cette émission, je les encourage, parce que vraiment le chemin doctoral est un des chemins les plus solitaires qui soient. Et en plus, c'est compliqué parce qu'on nous demande d'être originaux, mais au fond, quand on est vraiment originaux, on déplaît. Et donc, on doit être originaux, mais à la fois, on doit recevoir l'approbation du pouvoir. Et ça, c'est un exercice extrêmement délicat. Comment être les idées vraiment novatrices et vraiment géniales déplaisent, parce qu'on contredit forcément alors ceux qui sont établis, et donc qui se fassent confiance et qui gardent le cap. Parce qu'au fond, c'est comme ça que la recherche avance. Trop souvent, les thèses de doctorat, ce n'est pas la faute des doctorants, c'est la faute de la manière dont on organise les thèses de doctorat, se limitent à mettre en sauce un vernis vaguement plus original sur des idées redites et ressassées. Et de nouveau, c'est pas du tout la faute des doctorants, parce qu'il y a vraiment ce paradoxe, quoi. On demande aux doctorants de défendre une idée originale, mais tout en étant adoubé par les seigneurs. Donc c'est très compliqué. Et dans mon cas, du coup, ça a été compliqué, parce qu'il y a une partie de mon comité d'accompagnement qui m'a suivie, et je les en remercie encore maintenant, parce que sinon je ne serais pas là, je ne serais pas là en train de vous en parler. Bon, je serais ailleurs, après il ne faut pas dramatiser, mais en tout cas je ne serais pas là et je ne pourrais pas exposer ce que je suis en train d'exposer. Mais il y a une partie qui a été tout à fait réfractaire, parce que sans doute que oui, c'est une idée difficile à intégrer. Et moi, je me sens à l'aise pour la défendre, parce que je pensais l'inverse. Sans doute que si j'étais partie, c'est un bon scénario. Parce que si j'étais partie avec le présupposé, moi, au fait, je vais faire une thèse pour démontrer que la Belgique n'est pas aussi démocratique qu'elle n'y paraît, j'aurais peut-être eu plus peur. Parce qu'en fait, j'étais totalement de bonne foi. Moi, je me rappelle de discussions parce que je suis partie à Paris. Parce que j'avais l'impression qu'on n'avait pas formé en tant que juriste assez à toutes ces disciplines qui sont tellement intimes avec le droit, la philosophie, l'histoire, la sociologie. Et donc, je suis partie à Paris pour me former à ça, justement, dans le domaine de la démocratie, de la représentation. Et je me rappelle, je me suis promis, il faut que je le fasse, de discussions avec quelqu'un qui voyait beaucoup plus clair que moi, qui était déjà un grand défenseur de ce qu'on appelle la démocratie directe, démocratie participative. Et je me rappelle de moi, disant mais non, la démocratie directe c'est dangereux. Toi disant ça? Oui. Où je trouvais qu'il avait tout à fait tort et qu'il se fourvoyait. Pourquoi il avait tort? Non, pourquoi tu trouvais ça dangereux? Mais parce que j'avais totalement assimilé le discours officiel qui est que la démocratie représentative, c'est la quintessence de l'organisation politique. Et c'est en me rendant compte, si tu veux, ça a vraiment été un travail de déduction et de libre-examinisme. Moi, je viens de l'ULB, donc je suis très fière de ça, parce que c'est ça qu'on doit faire et qu'on m'a appris que je devais faire. C'est en faisant un travail de libre-examinisme, en me rendant compte que ceux qui disaient que la quintessence... Le gouvernement représentatif, c'est la quintessence. Ils le disaient pour des raisons élitistes, parce qu'ils disent, c'est littéralement les termes. Aux États-Unis, puis ça a été importé, on retrouve les mêmes termes chez les congressistes de 1830. C'est l'idée que la représentation, la volonté générale doit s'épurer et se concentrer dans les mains de ceux qui sont le plus intéressés à l'intérêt général. Pourquoi un élu censitaire, homme, en général plus âgé, connaît mieux l'intérêt général qu'un ouvrier ou qu'une ouvrière, encore mieux. Je dis encore mieux, pas pour, mais parce qu'on oublie les femmes, comme toujours. Je veux dire, il n'y a aucune raison. Je ne pense pas ça, je ne crois pas ça. Et donc, quand je me suis rendu compte que ce que je disais était en fait le résultat, ils étaient cohérents, les congressistes, ils étaient très cohérents. En fait, ils ont mis en place une constitution, un système constitutionnel qui était très cohérent par rapport à leurs prémices élitistes. Et quand je me suis rendu compte que j'annonnais les mêmes prémices tout en ne croyant pas à leurs convictions élitistes, c'est qu'il y avait un problème. Et donc, je suis partie de là. Et alors, pour renouer avec ce qu'on disait au début, pour bien comprendre le système de 1831, je suis remontée au système des anciennes assemblées représentatives belges. Et ça qui était intéressant, comme quoi il y a vraiment beaucoup de choses à revisiter par rapport à l'histoire qu'on nous en donne officiellement dans les manuels d'histoire, c'est qu'en effet, on peut... Alors évidemment que l'inégalité, ça ne va pas, qu'il y a plein de choses dans l'Ancien Régime qu'on peut contester, évidemment. Mais quand tu parles d'Ancien Régime, tu parles de quel régime, là? Alors, tu as tout à fait raison, parce qu'une autre chose dont je me suis rendu compte et que je trouve fascinante, c'est qu'on transpose dans l'histoire belge des schémas de pensée et des schémas historiques importés. Donc on lit l'histoire belge de la même manière qu'on lit en grosso modo l'histoire française, anglaise, voire américaine. Et ça parce qu'il y a vraiment une forme d'acculturation nationale. Et que notamment les francophones belges disent beaucoup de francophones de France. Et je me suis rendu compte, pour me pencher beaucoup sur l'histoire de la Belgique avant 1830, qu'il était quand même très compliqué de lire l'histoire belge de la même manière, l'histoire pré-belge, notamment parce que, et ça tellement peu le savent, par exemple en 1789, on fait aussi la Révolution, nous, mais on fait la Révolution contre Joseph II et pour restaurer nos traditions locales. Donc on fait un mouvement exactement inverse en fait à la révolution de 1789. Donc tu as raison de me demander qu'est-ce que ça veut dire l'ancien régime chez nous, parce que l'ancien régime en général c'est référence en 1789 qui veut mettre à bas tout auréolé de raison le règne de la nation nouvelle en France. Mais nous on va faire la révolution mais pour restaurer notre tradition ancestrale, pour restaurer les us et coutumes de nos provinces. Donc on a une réaction à contre-courant. Donc qu'est-ce que dans notre contexte, qu'est-ce que ça veut dire l'ancien régime? Et exemple, et je retombe sur justement le lien entre représentant et représenté, on a coutume de dire toujours la même chose, l'indépendance des parlementaires par rapport aux représentés, qui est fondée sur l'interdiction du mandat impératif, qu'on jette comme ça dans les oubliés de l'histoire comme étant un vestige des temps passés, des temps gothiques. Or, moi, j'ai travaillé justement là-dessus parce que dans les anciennes assemblées provinciales, les États provinciaux, les États généraux, la règle, c'est qu'un délégué ne partait pas dans une assemblée pour faire ce qu'il avait envie, comme nos parlementaires maintenant. La règle, c'était qu'il avait un cahier des charges et qu'il était renvoyable s'il ne faisait pas ce qu'on lui disait. Et alors, regarde, l'histoire est fascinante parce que donc, on a un schéma. Ancien régime, c'est mal, c'est pas de la démocratie. Nouveau régime, c'est bien, c'est de la démocratie. Alors, premier problème, c'est que déjà, l'ancien régime, nouveau régime chez nous, ça colle pas. C'est vraiment de l'importation, parce qu'on est un petit pays et qu'on connaît pas bien notre histoire, qu'on est acculturé totalement, etc. Mais en plus, de toute façon, L'autre problème, c'est que c'est un peu court de dire c'est génial à l'époque actuelle et dans l'ancien temps, dans l'ancien régime, c'est mauvais. Parce que, par exemple, ça, c'était très... Alors, j'aime pas le terme parce qu'il est un peu flou, mais c'était très moderne, d'une certaine manière, de dire bah, il faut que les élus, on les serre de près. Les élus, ils sont pas là pour faire n'importe quoi. Non, les élus, ils sont pas sur un piédestal parce qu'ils savent mieux que nous ce que c'est l'intérêt général, parce qu'ils sont supérieurs à nous. Et d'ailleurs, ça revient. Moi, j'ai présenté une étude là-dessus. Justement, la question, c'était le mandat impératif. Est-ce que c'est de l'archéologie, de la représentation, ou au contraire, c'est l'avenir de la représentation? Parce qu'il y a toute une série de propositions à l'heure actuelle dans ce bouillonnement génial sur la démocratie qui en reviennent à une conception dépendante du mandat parlementaire, qui reviennent au mandat impératif en disant, bah, attendez, en fait, il faut les serrer de près, là, beaucoup plus. Et alors, j'ai dit une bêtise parce que j'ai dit quelque chose qui n'était pas tout à fait exact, parce que on a quand même, grâce au suffrage universel, modélisé. Il est faux de dire que les élus, à l'heure actuelle, fondent leur mandat uniquement sur l'indépendance, parce que les programmes de parti et les promesses électorales, en fait, c'est ça qui est censé, alors je vais jargonner un peu, mais contractualiser la représentation, ou autrement dit, de manière plus simple, au fond, il est faux de dire que les élus sont élus pour faire n'importe quoi, puisque théoriquement, en tout cas c'est ça en théorie, leurs promesses électorales et les programmes de parti sont censés baliser leur action, et c'est à l'aune de cela que nous, les électeurs, les électrices, on devrait mesurer leur action et selon, revoter pour eux ou non. Mais bon, ceci dit, ça c'est la théorie, parce que moi ce que j'entends, c'est toujours la même chose, c'est de toute façon, ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils vont faire, de toute façon, quand on sait ce qu'ils vont faire, et donc, ça veut dire que, de nouveau, moi c'est ce que j'arrête pas de dire, c'est que je suis porteuse de, à la fois de très mauvaises nouvelles et de bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que la situation me semble pire, ce qu'on dit souvent, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de changer le système constitutionnel. C'est que c'est pas une crise, parce que ça, c'est ce qui m'énerve peut-être le plus, c'est qu'on n'arrête pas de parler de crise de la démocratie. Mais il n'y a pas de crise. Une crise, c'est quand il y a un événement négatif, soudain, violent, qu'on ne comprend pas. Une crise de dents, une crise de, je sais pas, une crise d'angoisse. Mais ici, on est dans la conséquence des principes qu'on a décidés. Bah, donc, ce n'est pas une crise, il suffit de changer ses principes. C'est tout aussi simple que ça. Et pour changer ses principes, eh ben, c'est très simple. Il faut en revenir, on le savait déjà en 1919, le Premier ministre, dont je répète que c'était loin d'être un révolutionnaire, disait « de simples modifications au droit de suffrage ne suffiront pas ». Eh bien, il faut reprendre ça et réapprofondir la démocratisation, arrêter de croire que le suffrage universel, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. Ce n'est pas vrai. On le savait en 1830, on le savait en 1919-1921, et puis on l'a oublié. Mis par paresse, mis par ignorance, mis par habitude. Hein, je suis de nouveau, moi je ne jette pas la pierre, j'étais comme ça. Donc je pensais que le suffrage universel, c'était l'alpha et l'oméga de la démocratie. Donc il n'y a personne qui doit s'en vouloir de ça. Il n'y a rien de mal fait, il n'y a rien de grave. Il suffit juste, à un moment donné, de s'en rendre compte et puis de changer les choses. J'adore. T'es vraiment marrant. C'est génial. Il suffit, j'adore. Mais il faut pas que je m'égare. Mais t'es un peu... J'avais envie de dire plein de choses et j'avais envie aussi de réagir tout de suite à ce que tu disais, mais je crois que j'ai un peu perdu le fil. Oui, quand tu dis « il suffit ». Oui, c'est vrai. Il suffit, il y a quand même, enfin ça c'est moi qui dis, je ne dis pas que tu as dit ça, mais il y a quand même une espèce de volonté de garder l'élite en vie de se garder, et comme tu expliquais, si j'ai bien compris, que quand même les institutions, le système est fait en Belgique pour que ce soit très compliqué, et qu'en fait ça protège tout ce petit noyau élitiste, quoi, ça j'avais envie de dire. T'es un peu aussi une autre chose, c'est que t'es un peu la, tu connais Étienne Chouard en France, t'es un peu la Étienne Chouard version belge ici, non? Parce que lui aussi réfléchit pas mal sur l'histoire de la France, la Constitution, etc. Il y a des points communs, non? Eh ben les deux questions se rejoignent, parce que moi je toujours d'ailleurs, en tant que chercheuse, et puis par tempérament, je postule toujours, je compte toujours plutôt sur la bonne foi. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une élite au pouvoir qui essaye de défendre ses privilèges. Je pense qu'il y a une minorité parmi les élus qui sont comme ça, mais qu'une grande majorité Ce n'est pas une volonté de garder ou de confisquer le pouvoir. C'est comme moi, ils ne savent pas, en fait, ils ne sont pas au courant. Et aussi, je suis persuadée qu'il y a beaucoup, beaucoup qui s'expliquent par le fait qu'on a oublié. Et je suis aussi persuadée qu'une majorité d'élus, non seulement a une bonne foi, mais a intérêt à avancer dans la démocratisation, parce que, je vais te dire, la situation, elle est intenable pour les deux parties. Elle est intenable pour les électeurs et les citoyens, dont on ne compte plus, les chiffres sont désespérants sur le désaveu de la politique, la méfiance, la perte de confiance, mais elle est intenable pour les élus. Et moi, je vois arriver ce moment, parce qu'il faut le redire, quoi, qu'une grande majorité des élus, c'est quand même des gens qui consacrent des heures et du temps à l'intérêt général, et ça, c'est vrai. Et moi, je vois arriver le moment, avec effroi, où on va de la crise des vocations, hein. Qu'est-ce qu'on va faire quand il n'y a plus des gens qui veulent s'y coller dans les fonctions d'intérêt général, parce que c'est quand même du temps, c'est de l'énergie, c'est de la sueur. Et je suis persuadée, mais vraiment intimement persuadée, qu'une majorité d'entre eux sont de bonne foi. Et tous les deux donc gagneraient à approfondir le lien, à démocratiser, parce que ça doit être infernal, en fait, de d'agir comme ça, ou d'avoir en tout cas l'objectif et l'intention d'agir pour le bien général, enfin pour la fonction publique et la chose publique. Là tu n'es plus le Étienne Chouard. attends. C'est ce qui me distingue d'Étienne Chouard. C'est pour ça qu'il y a un lien entre les deux. Parce que je ne peux pas dire que j'ai lu tout Étienne Chouard ou entendu ou vu tout Étienne Chouard. Mais de ce que j'en ai vu, notamment j'avais été l'écouter en conférence, ça, vraiment, ça nous distingue. D'ailleurs, c'était une conférence avec David Van Reybrouck aussi que j'adore. Mais alors là, pour le coup, je me distanciais là-dessus de lui aussi. C'est que... Alors peut-être que c'est de l'angélisme, je ne sais pas, mais pourtant je le crois profondément, sans doute parce que je viens du point de vue inverse, et moi j'ai travaillé aussi en politique. Donc j'ai vu la majeure partie des gens que je côtoyais, c'est des gens de bonne foi, et c'est des gens qui veulent travailler dans le public et qui veulent faire avancer les choses de manière collective. Mais je me différencie de lui précisément parce que moi je ne pars pas du postulat qu'on est face à une élite qui veut confisquer le pouvoir. Il y a une minorité parmi les gouvernants qui font ça dans leur intérêt personnel et qui ne veulent pas démocratiser. Et aussi idéologiquement, enfin des espèces d'héritiers de Charles Wust, il en existe. Idéologiquement, ils pensent qu'en effet, c'est mieux qu'une élite la plus instruite, la plus riche soit au pouvoir. Ça existe encore, même si c'est plus dangereux parce qu'ils avancent masqués. Mais c'est une minorité. C'est une minorité. Tu penses vraiment que c'est une minorité ? Parce que, par exemple, en France, avec Macron et compagnie, on se cache plus. C'est vraiment l'oligarchie, comme on l'appelle. C'est vraiment des gens qui font des affaires là-haut, qui s'en foutent. Enfin, il y aurait moyen de montrer plein d'exemples. Je vais te parler de la Constitution. Ça, c'est en France, évidemment, hein, parce que je suis plus au courant aussi de ce qui se passe en France. La Constitution européenne. Tu dis oui, l'acculturation de la Belgique. Ben après, je vais te demander une référence de bouquin pour que je me mette à la pointe de la politique belge. Mais en gros, de toute façon, moi, je crois ça. Je dis pas que j'ai raison, mais je crois que de toute façon, si il y avait vraiment l'envie, que ce soit la Belgique ou la France, même ailleurs, s'il y avait vraiment une réelle envie de se prendre en main, de faire que ce soit, parce que moi j'aime ça, je trouve que c'est inégalitaire, enfin tu vois tous les gens qui bossent pour nourrir les actionnaires maintenant, c'est même pas les nourrir, c'est de la folie, on est vraiment rentré dans, il y a plus d'espace, tu parles de public, alors peut-être, c'est vrai, t'as raison, tout n'est pas pourri, moi je pense pas que tout n'est pourri, mais dès que tu rentres dans la sphère politique, des partis, aujourd'hui, ça me semble évident, je ne dis pas que c'est bien. Hein, moi, j'aimerais. Moi, je pense plus que le vrai pouvoir, c'est les gens qui l'ont. Mais ils se laissent par facilité, tu vois, genre, ah, ben, on pense pour nous, le pouvoir met les choses pour nous, et a oublié, en fait, que le réel pouvoir, c'est les gens qui l'ont à la base, tu vois. Mais c'est ça que je voulais dire, le pouvoir, les partis, c'est pourri. Parce que si, depuis la nuit des temps, on voulait un monde plus juste et plus égalitaire et plus, je sais pas comment on pourrait dire, plus plus démocratique, ça ferait longtemps qu'on serait dans quelque chose de génial. Ça l'est pas. On tourne en rond, j'ai l'impression. Mais oui, mais là-dessus, de nouveau, Moi, je pense que, par exemple, pour prendre l'exemple des partis politiques, j'aimerais bien qu'on me démontre l'inverse, mais moi, j'ai l'impression qu'une démocratie sans partis politiques n'est pas possible, parce que si on n'organise pas un minimum la multitude, eh ben, la multitude, elle ne sait pas, parce qu'elle est multitude, parce qu'on est trop nombreux, on ne sait pas s'organiser, et alors on va être la proie de despotes et de tyrans. Mais non, parce que justement, il faut trouver... on est déjà sous la proie des despotes et des tyrans, pour moi, tu vois. Attends, je vais te donner la parole, mais c'est le monde de l'ultralibéralisme. On est obligé de fonctionner comme ça. C'est terrible, quoi. On est déjà, pour moi, là-dedans, oui, tu vois. Mais si tu veux, par parti politique, en fait, on est presque obligé d'utiliser un autre terme, parce que parti politique a maintenant une connotation tellement péjorative. Ce que je veux dire, c'est qu'un minimum d'organisation collective, tous les mouvements récents qui ont voulu contester l'ordre établi sont confrontés à cette question. C'est, à un moment donné, tu dois un minimum t'organiser. Oui, je dis, moi. Voilà. Et donc, moi, je crois que le problème, ce n'est pas qu'il existe des partis politiques. Le problème, c'est que ces partis politiques doivent démocratiser leur fonctionnement. Le problème, c'est que dans les partis politiques, c'est devenu, alors, comme dirait David Van Reubroek, des coquilles vides, parce qu'en fait, dans les partis politiques, tu trouves plus de militants, tu trouves des mandataires. Et donc, il y a une professionnalisation de la composition de ces partis politiques. Le problème des partis politiques, c'est qu'on n'est plus là pour débattre et refaire le monde, mais plus pour discuter du pouvoir et de la manière de le garder. Le problème des partis politiques, c'est qu'en effet, contrairement à 1919-21, où on sentait, d'ailleurs ça se sent et ça se lit même dans les travaux parlementaires, que on appelle ça à ce moment-là les associations politiques, c'est l'origine vraiment des débats et des réflexions, et qu'en plus ces associations politiques contrôlent les élus, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi. Contrôle les élus et donc donne un sens à ce mandat parlementaire autre que être élu ou rester au pouvoir. Eh bien, ça maintenant, eh bien, comme les partis politiques se professionnalisent, sont occupés par des professionnels de la politique et pas par des militants, toutes les missions qui leur incombent, à savoir structurer et animer le débat public, contrôler les élus, démocratiser la manière dont les listes électorales se font, parce que c'est ça aussi. Tout ça, ils ne le font plus bien. Mais ceci. C'est un peu le verre à moitié plein, à moitié vide. Soit on dit que en fait il faut partir de rien, mais on sait que on est d'accord, toi et moi, qu'on part de rien, mais qu'on sait aussi que quand un groupe de citoyens est ensemble, il y a un moment donné, il y a toujours la question de l'organisation qui va se poser. Exactement. Ou qu'on part, comme moi, de la situation actuelle, à savoir les partis politiques, et qu'on dise qu'il faut les démocratiser et démocratiser leur fonctionnement interne, ça revient au même. Et ça, de nouveau, c'est moi je pense que je porte de mauvaises nouvelles et de bonne nouvelle, à la fois la situation est pire à mon avis que tout ce qu'on pense, parce que franchement, en fait, de nouveau, en termes de fonctionnement des partis politiques, tout est fait pour qu'en arriver au système actuel. Les partis politiques sont des espèces d'ovnis juridiques. Donc, le droit se détourne des partis politiques. Alors qu'on le sait, en Belgique, les partis politiques sont hyper puissants et hyper importants dans le fonctionnement de la vie politique. Donc, il y a là, de nouveau, un hiatus incroyable. On sait qu'ils sont hyper importants, mais par ailleurs, on détourne leur regard et on laisse les associations faire absolument presque tout ce que bon leur semble. Mais ça ne va pas. La réglementation juridique qui existe, c'est sur le financement public. Et alors moi, je suis de celles qui pensent que c'est très important de faire le financement public, parce que sinon, on sait très bien, c'est comme aux États-Unis, et bien alors c'est au plus offrant et au plus riche qui va contrôler ses partis politiques. Mais après, il faut leur imposer des obligations de transparence, de fonctionnement. Et pour le moment, c'est très emblématique. Ce financement public, il n'est pas du tout conditionné à des obligations de transparence ou des conditions démocratiques de fonctionnement interne, mais au contraire, non seulement aux résultats qu'on fait aux élections. Et alors, du coup, on pousse les partis politiques à ne voir que ça comme objectif, à savoir gagner les élections. Mais les partis politiques, ils ne sont pas là que pour gagner les élections. On devrait, par exemple, lier au nombre de militants. De plus en plus, moi, j'entends des témoignages de gens qui veulent rentrer dans les partis politiques et qui n'y parviennent pas, ou qui se font renvoyer des partis politiques parce que c'est des simples militants et que le système d'appareil fait que, bah, non, il faut garder le contrôle de la section, et surtout qu'il n'y ait pas de débat pluraliste, et surtout qu'il n'y ait pas de... Eh bien, ça, c'est... Il faut que cette réglementation financement public, oui, mais des conditions beaucoup plus claires sur le fonctionnement. Aussi, non forcément que ça devient des coteries. Ça redevient les coteries comme on voulait éviter. Le suffrage censitaire, c'est un système de notabilité, de coteries et de d'élite qui garde le pouvoir. Les partis politiques, si on ne fait rien, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, par exemple, dans toutes les affaires qu'il y a eu, Publifine, etc., ben, il faut bien voir que dans les sections du Parti Socialiste, eh bien, quand on donne la parole aux militants, ils ne sont pas d'accord avec ça, hein. Mais il faut donner la parole aux militants. Les militants qui n'ont pas de mandat, qui ne sont pas là pour garder le pouvoir ou conserver le pouvoir ou défendre des privilèges, ils veulent que ça change. Donc la question n'est pas... les partis politiques ne sont pas mauvais en soi. Les partis politiques sont mauvais quand on ne les contrôle pas et qu'on les laisse, comme c'est le cas actuellement, agir en roue libre, sans assez de contrôle, sans assez de démocratie interne, et quand ils deviennent en fait les coteries d'une minorité. Mais sinon, c'est très important. Si on parvient, et de nouveau, moi je suis de nature très optimiste, si on parvient à faire une réglementation qui tient la route, qui permet de renouer avec ce qui était quand même un désir et un espoir et un rêve universaliste démocratique très fort, à savoir des partis politiques populaires qui sont là et qui sont composés par des gens qui veulent changer le monde, discuter du collectif sans intérêt particulier, pas parce qu'ils sont intéressés à titre personnel pour avoir un mandat, mais parce qu'ils veulent... là, trouver un tremplin à leurs idées de changement, eh bien, si on savait renouer avec ça, des affaires comme Publifine, ça n'arriverait plus, parce que la base, ça veut dire quelque chose, elle est là, la base aussi, c'est vraiment la base. La base surveillerait les élus, la base imposerait des règles plus strictes, la base serait là comme chien de garde, comme elle l'était avant, et comme elle aurait jamais dû cesser de l'être. Il n'y a pas... mais de nouveau, c'est chacun le produit de son histoire, hein, de son histoire personnelle. Il n'y a pas deux démocraties. Il n'y a pas le monde de la nouvelle démocratie qui va venir de rien avec des gens et des mouvements spontanés et l'ancienne démocratie qu'on va complètement jeter. Il y a une transformation à faire. Et c'est dans les structures de la démocratie, c'est à partir des structures de la démocratie représentative et en les démocratisant. En démocratisant les partis politiques, en démocratisant le Parlement, en démocratisant le lien entre gouvernants et gouvernés, en démocratisant la manière dont les listes électorales se font, en démocratisant l'accès aux fonctions, etc., etc., qu'on va y parvenir. Mais si, parce que longtemps j'ai pensé que le danger c'était le statu quo, avec en effet un risque que les élites soient assises sur leurs privilèges, je pense que, et ça c'est la bonne nouvelle, que vraiment... les idées selon lesquelles ben, y a quand même, on ne peut pas se contenter des chiffres affligeants de désamour entre les citoyens et le monde politique, tout ça fait son chemin, en ce compris chez les élus. Et je commence à voir un autre danger, c'est que justement la rupture soit tellement immense et qu'on veuille tellement que de la part des électeurs, des citoyens, la méfiance soit tellement grande que la tentation soit en effet qu'on jette à bas on jette le bébé avec l'eau du bain ou la baignoire avec, tu vois ce que je dis. Et or, je pense pas qu'on va y arriver en mettant tout par terre. C'est en utilisant les formes de la démocratie représentative, mais en poursuivant tout simplement le travail qu'on avait dit qu'on ferait, la promesse qu'on avait formulée en 1919, qu'on va y arriver. Je pense pas que c'est en mettant tout à bas. Et parce que sinon, le risque, c'est la désorganisation, c'est... Oui, mais on s'est pas compris, en fait. Moi, en fait, quand je dis que mettons tout à bas... C'est parce que je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire si on met tout à bas, après à un moment donné, il faut se reprendre, comment on s'organise, comment je suis pas du tout. Moi, c'est plutôt sur l'idée de cette représentation du pouvoir en fait. Ces gens ne représentent pas les gens qui travaillent dans les usines. Ces gens ne représentent pas la majorité des gens en fait pour moi. Donc c'est devenu un peu des hommes d'affaires, tu vois, qui gèrent le business, on va dire ça comme ça. Mais je comprends tout à fait qu'il faudrait balayer ça pour remettre des gens avec des idées plus proches du peuple, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et ce qui est compliqué, c'est que le peuple existe, je l'ai rencontré, tu sais, c'est l'évanescence aussi du peuple, parce que... Comment savoir en fait ce que les là moi donc je suis la enfin pas la première mais je suis de celle qui a un peu fait chuter le suffrage universel de son piédestal en lui disant, en lui rappelant, suffrage universel tu es nécessaire à la démocratie mais tu es pas suffisant. Mais par contre je pense vraiment qu'il est nécessaire, et donc je pense aussi que le suffrage universel signifie quelque chose. Est-ce que les gens ne se sentent pas représentés par leurs élus? Moi je... Alors, les chiffres montrent une très grande méfiance, mais par ailleurs, ce qui est frappant aussi, c'est que dans les... c'est comment dire, la répétition des votes, hein, et on ne peut pas dire que les électeurs actuels... aucun électeur actuel ne sent représenté par les élus actuels, parce qu'il y a des possibilités alternatives existent. Quoique, on pourrait dire que du côté francophone, il y a peut-être peu de possibilités alternatives. Mais il y a quand même un grand nombre, forcément. Les partis majoritaires actuels restent majoritaires depuis nombreuses années, même si on commence à observer du côté... Voilà. C'est étonnant parce que les gens se plaignent que c'est toujours les mêmes, mais les gens ont aussi tendance à voter toujours pour les mêmes. Donc il y a un vrai paradoxe là aussi sur... Tu vois, c'est compliqué quand on évoque le peuple, parce que qu'est-ce qu'il veut le peuple? Il veut que ça soit plus les mêmes, mais on constate qu'en effet, on peut les vieux de la vieille de la politique, regarde les baromètres, les vieux de la vieille de la politique, eh bien, ils cartonnent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? J'ai du mal à me baser sur l'idée que, en fait, c'est des représentants et qui ne représentent pas bien, parce que on a des chiffres, il y a le suffrage universel produit quand même des résultats. Par contre, ce qu'on peut voir, en effet, c'est que sur les listes électorales, on rejoint un problème précédent, il y a une tendance à la professionnalisation, que les partis politiques peinent à s'ouvrir et à ouvrir leur liste électorale, et que là, de nouveau, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire si on veut vraiment que ça ne soit plus toujours les mêmes. Il y a plein d'idées à avoir, il y a plein de choses à faire. On peut limiter les mandats dans le temps, il faut certainement limiter le nombre de mandats en même temps, puisqu'on voit que ça aboutit à des problèmes genre Publifine, et autres scandales politico-financiers, oui. C'est ça que j'ai... Oui, vas-y. Et même chose, en effet, on peut... certainement, il faut ouvrir les listes électorales à une plus grande représentativité socio-culturelle, parce qu'une majorité des élus sont des diplômés de l'enseignement supérieur et même de l'enseignement universitaire, et que ça ne va pas. En effet, comment concrètement peut-on se sentir représenté quand on n'appartient pas à ce qui est encore une élite dans notre pays, à savoir être titulaire d'un diplôme universitaire? Et alors, il n'y a pas que la démocratisation de la manière dont les listes électorales se font. Moi, je suis vraiment une grande aussi partisane du tirage au sort. Parce que, précisément, le tirage au sort garantirait une égalité d'accès, quel que soit le diplôme, quel que soit le sexe, quel que soit l'âge, et que, surtout, ça permettrait, alors c'est vertueux à plein d'égards, puisque ça permettrait non seulement une aération de la représentation, mais en plus, ça permettrait une rotation dans les charges. C'est pour ça que, dans l'Antiquité, on aimait beaucoup aussi le tirage au sort, c'est que ça permet celui qui est gouvernant, c'est qui redeviendra gouverné. Celui qui est gouverné, c'est qui pourrait être gouvernant. Donc, ça veut dire que ça permet de rentrer de part et d'autre, d'ailleurs, dans une logique comme ça, évolutive, très intéressante. Et en plus, ce serait des vrais exercices de citoyenneté, parce que, de nouveau, ce serait intéressant pour tout le monde. Les gouvernants, parce que ce serait forcément laisser la place, ils seraient obligés de laisser la place ceux qui ont fait, et la plupart d'entre eux, c'est le cas de la politique, une profession, alors qu'à la base, c'est pas ça. Le mandat politique n'est pas pensé comme une profession, ne devrait pas être pensé comme une profession. Mais en plus, pour les gouverner aussi, c'est intéressant, parce que à se confronter à l'exercice du pouvoir, ça permet aussi de voir que sans doute c'est plus compliqué que ce qu'on ne le pense. Donc tout le monde serait gagnant, et ça, c'est certainement quelque chose à faire. Là-dessus, d'ailleurs, ça me fait un peu sourire, parce qu'il y a beaucoup d'expériences, et sans doute que c'est bien, de panels citoyens qui se mènent dans différentes assemblées du pays, notamment au Parlement wallon, et je pense qu'ils en ont fait un aussi au Parlement régional bruxellois. Et moi, ça me fait toujours sourire, parce que c'est assez révélateur du moment curieux que l'on vit, parce que j'en parlais quand ma thèse est sortie. Franchement, c'était une opinion tout à fait minoritaire et je me sentais assez seule. Et maintenant, j'ai l'impression que de plus en plus, et notamment, et c'est très chouette, du côté des élus, chacun se rend compte qu'il faut faire quelque chose. Par contre, ça, on avance vraiment de manière tellement désorganisée et de manière tellement improvisée, parce que ces petites expériences de panel, c'est peut-être intéressant, mais c'est un peu, imagine-toi, comme si en 1919, face aux manifestations des gens dans la rue qui demandaient le suffrage universel, le Parlement avait mené un week-end une petite expérience de bureau de vote où on avait pris 20 personnes qui venaient glisser un petit bulletin de vote et puis on voyait ce que ça faisait de jouer à suffrage universel. Ça nous semblerait tout à fait choquant. Et donc, il est temps aussi, autant, tu vois, j'ai adouci parce que je ne pense pas que... Et puis, de toute façon, la mauvaise intention et l'intention maligne ou méchante est très difficilement démontrable. Donc, je trouve ça plus facile de me baser sur l'idée qu'une majorité de nos élus sont bonne foi. Autant, je suis celle aussi qui est très sévère sur le fait que maintenant, il faut arrêter de jouer. Ces petites expériences de panel, c'est très intéressant, mais c'est aussi ridicule que si on avait fait des petites expériences au Palais de la Nation le temps d'un week-end et le jour des portes ouvertes sur le suffrage universel. Il faut arrêter d'être dans l'amateurisme et dans l'improvisation et dans les petites expériences qui rassurent le bon peuple. Il faut y aller, il faut démocratiser, il faut multiplier, pas les expériences, les changements et les changements constitutionnels. Anne-Emmanuelle Bourgo. Anne-Emmanuelle Bourgo, tu dis ? Tant que tu dis pas Bougon. Mais non. Donc, on résume un petit peu là. Si je comprends bien... Tu fais une recherche sur la démocratie en Belgique. Au départ, tu penses qu'elle est démocratique, la Belgique, avec toute son histoire, suffrage universel, blablabla. Puis en fait, tu te rends compte que c'est pas si simple que ça. Hein. On va pas. Tu me dis si c'est pas juste ce que je dis, hein, mais on va pas réexpliquer toute la discussion. Et aujourd'hui, tu dis, y a moyen de changer cette constitution, il y a moyen de mettre des gens plus réglo, ça c'est moi qui dis, hein, t'as pas dit le mot réglo, mais ça c'est moi qui traduis, il y a moyen de faire une politique plus démocratique encore. C'est un peu ta vision, c'est-à-dire que oui, il y a eu les premiers balbutiements de la démocratie, il faut continuer le travail maintenant, il faut continuer le combat, t'as l'air de dire ça. Que moi, à l'inverse, on s'en fout un peu de ce que je pense moi, mais c'est pour voir, pour se confronter à quelque chose qui est différent. Moi, je penserais que le pouvoir corrompt et d'office depuis la nuit des temps, ben, c'est une élite qui veut s'approprier les richesses et le peuple qui est en bas, en gros. On voit aujourd'hui, on pourrait continuer la conversation comme ça et puis on parlera un petit peu de tes cours parce que tu donnes cours aussi à des jeunes, voir un peu qu'est-ce qu'il en sort de tout ça. Mais avant, j'avais envie de parler de ce qui se passe aujourd'hui avec les cheminots. En France, hein, il se passe plein de choses par rapport à ça, c'est-à-dire que il y a plein de grèves, ils annoncent, t'es peut-être pas au courant si, hein. Ils annoncent des grèves balèzes, hein, pendant 3 mois, enfin récurrentes quoi, vraiment. Il y a les étudiants aussi en France et partout en France qui commencent aussi à se mobiliser contre les réformes. De l'enseignement, de l'université, tout ça. Donc il y a un rapport de force hein, entre le gouvernement français avec Macron qui n'est pas là depuis longtemps et le nouveau gouvernement. Et donc c'est pour montrer un peu cette différence. Alors c'est sûr que la Belgique et la France, c'est pas la même chose. Il n'y a pas les mêmes lois, les mêmes règles. Sont quand même l'une à côté des autres. Hein. On parle la même langue, on lit les mêmes journaux. Il y a une espèce de bras de fer qui est occupé à se mener en ce moment. On ne sait pas si ça va prendre ou si ça va vite s'arrêter, mais c'est pour montrer qu'en fait, entre cette politique qui est là, mise en place, je pense que le gouvernement Michel, je veux dire, c'est chaud aussi ce qu'il est occupé à mettre en place avec... qui fait beaucoup parler de lui, Théo Franken, toute la NVA compagnie. Enfin, c'est comme si pour moi, tu vois, le politique, il s'arrangeait toujours, en tout cas le gouvernement, les partis s'arrangeaient toujours pour garder leurs privilèges. Pour moi, c'est un peu ça. J'ai pas d'autre exemple si ce n'est les citoyens qui à un moment donné en ont marre et ils font de l'autogestion. Ils se disent on n'a plus besoin de tout ça. En fait, on peut se gérer nous-mêmes par rapport à ce qu'on produit nous-mêmes. Il n'y a pas des gens qui doivent penser à notre place pour gérer à notre place. Déjà juste Après, j'arrête. Le fait de donner des impôts, moi, je suis pour la solidarité, je trouve ça génial, c'est une super idée. Mais on donne nos impôts dans un endroit, on sait même pas ce qu'on fait avec. Enfin, tu vois, on a réussi quand même un tour de passe-passe qui est génial. Alors qu'en fait, nos impôts, on devrait entre nous savoir où ça va, comment ça part et blablabla. Enfin, voilà. Ben, je vais commencer peut-être par ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une joie à retrouver dans le fait de payer ses impôts. C'est très emblématique, le fait, la déclaration fiscale s'est perçue comme une corvée et en plus comme un exercice de plus en plus compliqué. On retombe sur ce qu'on disait sur la complexité. Alors qu'en effet, quand on y réfléchit, c'est notre part contributive au collectif. Et là-dessus, il y a une vraie évolution parce que l'histoire constitutionnelle, justement, dans nos contrées, avant la Belgique, c'est vraiment une histoire que j'adore parce que de tout temps, dans nos pays, dans nos terres, dans nos provinces, en fait, la lutte contre le prince, contre le puissant, s'est nouée autour des enjeux fiscaux. Donc les princes, on était des terres très florissantes. Et la représentation, les parlements, donc le début, ce qui est quand même le début de la démocratie, eh bien, c'est construit parce que les puissants, alors tous, les Espagnols, les Bourguignons, alléchés par nos richesses et les richesses de nos terres, étaient de plus en plus gourmands fiscalement et financièrement. Et c'est là-dessus que les États généraux, les premiers parlements de nos contrées se sont construits et ont fait le rapport de force. Et c'est intéressant parce qu'en effet, c'est comme tu viens de le dire, en fait, c'est hyper important qu'on contrôle la manière dont tu utilises nos deniers. Il avait bien compris dans ce fameux ancien régime là, qu'on relègue dans l'opprobre et dans la malédiction. Oh là là, bah, pourtant là, il y avait quelque chose dans rapport aux puissants qui était vraiment intéressant. Et à l'heure actuelle, on observe exactement l'inverse. Je vais t'en donner un exemple. Moi qui suis vraiment une défendresse de la consultation populaire et du référendum, qui, d'ailleurs, je vais omis de le dire, en 1919, a été voté à une majorité, mais à quelques voix près, n'est pas passé parce qu'il fallait les deux tiers. Donc, t'imagines, il y a un siècle, il y a 100 ans, ça a quand même été voté par une majorité au Parlement. Mais donc, pour revenir là-dessus, maintenant, enfin, en 2014, donc 100 ans plus tard, on a prévu le principe de la consultation populaire régionale. Donc enfin, on pourrait peut-être, si les parlements régionaux voulaient bien le concrétiser, avoir la consultation populaire en Belgique. Mais alors, on a exclu les questions fiscales et les questions budgétaires. Mais ça devrait être l'inverse, parce que c'est un contresens, parce que précisément, de tout temps, l'histoire du droit public, c'est que les justiciables, les citoyens consentent, donnent leur accord. Et donc, il y a en effet quelque chose à travailler là-dessus pour renouer l'impôt, l'élection, tout ça doit être travaillé pour qu'on renoue avec une certaine, non seulement bonne relation, mais même joie ou bonne entente. Alors, pour reprendre l'exemple de Macron, il est très intéressant parce qu'il faut quand même se rappeler que son mouvement, là, sorti de rien, surfait sur la vague démocratisante. Donc, l'idée, justement, qu'on allait composer un parti qui n'est pas vraiment un parti, plus personne ne sait très bien, deux gens comme toi et moi, avec un mandat clair, enfin avec un certain mandat. Donc le succès de Macron, c'est aussi le succès des idées du changement démocratique. Et donc ça, c'est tout à mon avis le coup de génie de cet homme-là. C'est alors que maintenant il incarne un pouvoir, on va dire old fashion, il est arrivé au pouvoir en surfant sur toutes ces idées démocratiques, à savoir qu'il faut renouer avec des représentants qui sont vraiment issus du peuple, en tout cas des électeurs, qui sont des nouveaux venus en politique et qui, sur base, qui avaient été non seulement recrutés, mais qui devaient suivre des questionnaires. Tu vois, les électeurs ont répondu à des questionnaires pour savoir quelles sont les préoccupations des gens. Donc, il y avait vraiment un sort sur cette idée qu'il faut plus démocratiser. Et puis, finalement, en amont, et puis en aval, on retombe sur un pouvoir qui s'exerce de manière... Donc, c'est un gros menteur. Mais je ne sais pas, de nouveau, moi, avant de présumer, tu sais, les mauvaises intentions, comme je disais tout à l'heure, qui sont... je suis chercheuse, donc comment dire, comment établir un mensonge? C'est très dur, parce que je ne suis pas juge d'instruction et je n'ai pas de... Mais les gens... Enfin, moi, je me renseigne beaucoup, j'écoute beaucoup de trucs, je lis... Macron, OK, il a joué caché, c'est-à-dire qu'il n'était ni droite ni de gauche. Enfin, on va essayer de ne pas s'aventurer trop là-dedans, mais... Macron, ni de droite ni de gauche, il n'avait pas vraiment de programme, mais il jouait masqué, quoi. Tu vois, c'est un banquier, ce bonhomme, quoi. Il fait des affaires. De nouveau, on n'a même pas besoin de présumer l'intention maligne. On peut juste constater qu'en amont, il y a eu vraiment une forme, ce qui a joué dans le succès du mouvement, d'idées très à la mode pour rénover la démocratie, des nouveaux venus en politique, on demande aux citoyens par des campagnes par internet, etc., etc., lors des idératas. Donc il y avait cette idée, toutes ces idées qui sont des idées très démocratiques, de rapprocher le gouvernant et gouverné, aérer la représentation, tout ça était au départ dans le mouvement, et qu'après maintenant, il exerce son pouvoir. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même à l'ancienne mode, très old fashion, et notamment en se passant largement des concertations, des mécanismes de concertation sociale avec les syndicats ou avec les organisations étudiantes. Il mène sa gestion de manière, alors pour le dire poliment, de manière très musclée. Alors, est-ce que pour ça, il a menti ? Je ne sais pas, parce que lui, il a l'impression, ça, visiblement, d'être le porteur d'une mission presque transcendantale. Donc, peu importe, en fait, qu'il ça soit sciemment qu'il fait ça. Ce que je vois, c'est que, de nouveau, c'est bien la preuve qu'un renouveau démocratique sans parti politique est compliqué, parce que c'est aussi parce qu'il n'y a personne pour le canaliser, cet homme-là. Hein. On sait bien, le parti politique En Marche, c'est pas vraiment un parti, c'est un mouvement. Donc il n'y a personne qui est en fait en mesure de contrôler, de canaliser Emmanuel Macron. Et ce qui, moi, me fait, chaque fois que j'observe ça, c'est toujours, même si je sais que les partis politiques ont mauvaise réputation, ne sont pas à la mode, etc., ça me conforte dans l'idée qu'une démocratie bien contenue et bien pensée, c'est pas une démocratie sans parti politique, c'est avec des partis politiques, mais démocratisés. Et c'est l'exemple même, enfin, y en a beaucoup qui comparent à Napoléon. Oui. Qui te compare à Napoléon ? Non, qui compare Emmanuel Macron à Napoléon. Mais l'exemple, enfin, c'est vrai qu'il y a une part de bonapartisme dans le personnage, précisément aussi parce que le mouvement qu'il a créé est incapable de contrebalancer ses ambitions et son parcours individuel. Et ça, c'est dangereux pour la démocratie. C'est toujours la même chose. On risque de tomber d'un écueil dans un autre. Et alors, pour reprendre l'exemple de la Belgique, parce que de nouveau, comme tu le disais, moi, je suis vraiment très belgo-belge, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de Français qui s'occupent déjà de la France et pas assez de Belges qui s'occupent de la Belgique. C'est un bon exemple, l'exemple du gouvernement actuel, parce qu'on oublie, tu vois, que le gouvernement actuel est un gouvernement minoritaire du côté francophone. C'est bien la preuve, d'ailleurs, qu'il ne faut pas sous-estimer le suffrage universel. Moi, je dis qu'il n'est pas suffisant, mais qu'est-ce qu'il est nécessaire ? Parce que ici, en fait, et c'est quelque chose, comme souvent dans les familles qui vont mal, tu vois, les problèmes deviennent des tabous et on n'en parle pas assez, c'est qu'on a un sérieux problème en Belgique, c'est que ça fait depuis 2010, donc depuis 8 ans, qu'on ne parvient plus à créer un gouvernement qui soit à la fois majoritaire du côté néerlandophone et à la fois majoritaire du côté francophone. Sous le gouvernement précédent, ça nous arrangeait, nous francophones, parce qu'il était largement majoritaire du côté francophone, mais il était minoritaire du côté néerlandophone. Et sous le gouvernement actuel, c'est l'inverse. Et c'était lequel ? Le gouvernement précédent, c'est le gouvernement Di Rupo, et puis maintenant, ici, le gouvernement Charles Michel. Mais largement aussi, parce qu'on a, donc dans les groupes linguistiques à la Chambre, il y a 63 élus francophones, et il n'y en a que 20 élus francophones qui votent, donc chaque fois qu'il y a un projet de la majorité, qui votent en faveur. 20 sur 63, c'est pas un peu minoritaire, c'est largement minoritaire. Et donc, ce qui est fascinant, et c'est pour ça qu'il faut... Moi, de plus en plus, c'est peut-être avec l'âge, mais je ne crois pas à la tabula rasa. C'est bien la preuve que le suffrage universel, ça fonctionne aussi, parce que évidemment, moi, je sens aussi à quel point il y a des crispations beaucoup plus du côté francophone par rapport aux politiques menées du côté Charles Michel, que ça soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique migratoire. Moi, je suis juriste, donc dans le domaine du milieu de la justice, j'ai rarement vu un gouvernement qui était capable à ce point de se mettre à dos absolument tous les représentants de la profession, et on est quand même très différents. Tous les juristes ne sont pas les mêmes. Mais ça, c'est bien la preuve que ce système représentatif fonctionne aussi d'une certaine manière, parce qu'il y a un vrai déficit représentatif du côté francophone. Et avec la question de savoir comment on fait, parce qu'il y a ce problème Alors j'allais dire, c'est incroyable, c'est vraiment le comble pour moi, j'allais dire, il y a cette crise de la démocratie représentative, alors que ce n'est pas une crise, c'est juste qu'il y a un défaut, un déficit de démocratisation, ça c'est commun, on va dire, au modèle occidental, mais il y a en plus en Belgique ce problème qui est spécifique à la Belgique, lié alors au fédéralisme et à nos problèmes communautaires, qui est, et on fait semblant de rien alors que c'est capital, qu'on ne parvient plus à créer un gouvernement majoritaire, c'est-à-dire qui représentativement correspond peu ou prou, même si c'est avec des déficits, et même si on sait qu'il n'y a pas une adéquation absolue entre les vœux des représentants et des représentés. Ici, par la négative et par la preuve, par l'absurde, on voit bien que ce système représentatif veut dire quelque chose. Parce qu'en effet, quand il n'y en a que 20 sur 63, bah, qu'est-ce qu'on le sent ? Qu'est-ce qu'on sent que la réforme, en effet, à l'heure actuelle, bah, pour une majorité des francophones, ça ne leur correspond pas. Et ayant dit ça, on n'a encore rien dit, parce qu'en effet, que comment fait-on ? Alors moi, là-dessus, je pense d'ailleurs de plus en plus que les problèmes sont liés. Nous, les juristes, on a eu tendance, ou les politologues en Belgique, de nouveau, on a eu tendance à diviser les deux questions. Il y a les problèmes de tuyauterie institutionnelle, tu vois, de bidouillage qu'on est les seuls à comprendre, et puis les problèmes de la démocratie, c'est autre chose. Et d'ailleurs, en général, ça correspond à un aiguillage scientifique. Les juristes s'occupent du problème de la tuyauterie, et les philosophes, les sociologues et politologues s'occupent des problèmes de la démocratie. Ça a été vraiment une débat ce matin, parce que je me suis dit, c'est pas logique, parce qu'à partir d'un certain moment, la pensée démocratique, elle ne se saisit pas de la complexité. La tuyauterie institutionnelle, elle n'est vue comme un tuyau et pas comme un canal d'émancipation parce qu'on la confine à ces éléments techniques. Or, il faut être capable de poser la question, est-ce que la COCOF est démocratique ? Il faut être capable de la penser, ou sinon forcément que le modèle est désespérant. Et donc, de plus en plus, je pense qu'en fait, les problèmes sont liés parce qu'il y a notamment les études. Donc, quand je dis les problèmes sont liés, c'est qu'il faut essayer de penser ensemble la question de la démocratie et la question du modèle fédéral ou des problèmes communautaires, et pas de les séparer. Parce que notamment, donc, une étude que je trouvais très intéressante démontrait que les élus qui avaient voté la sixième réforme de l'État, quand on retournait à leurs considérations, à leurs vœux, à ce qu'ils pensaient après, ben, ils n'étaient pas si contents de ce qu'ils avaient voté. Il y en a plusieurs même qui n'auraient pas tout à fait voté ce qu'ils avaient voté si on les avait laissés faire. C'était très intéressant comme étude parce que ça montrait que francophones et flamands n'étaient pas si divisés que ça. Qu'en plus, les poussées de division, je ne sais jamais entre centrifuge et centripète, donc j'évite ces termes, mais les poussées en faveur de la scission, de la démolition du modèle, n'étaient pas si pressantes que ça, et certainement pas aussi clivées francophones et irlandophones. Et donc, de nouveau, je me dis, mais si en fait les élus, parce que la sixième réforme de l'État, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, notamment sur la manière dont ça s'est fait, ne sont pas en fait aussi radicaux, et si c'est que de nouveau, là, on voit bien que c'est un problème de fonctionnement du système. Et donc, moi, je crois que les deux choses sont liées, qu'il faut démocratiser, c'est-à-dire notamment, il faut prévoir des procédures pour la révision de la Constitution, beaucoup plus démocratique, avec un mélange, comme on a pu faire ailleurs, en Islande, en Irlande, qui serait un mélange panel citoyen tiré au sort, et puis de consultation populaire ou de référendum. Mais arrêtez de faire ces réformes de l'État, là, dans la caricature, à Val-Duchesse jusqu'à 6h du matin, où en fait, on négocie pendant des mois, en affamant les négociateurs, parce que c'est de ça dont il s'agit, qui sont tous au bord du burn-out et de la crise de nerfs. On ne peut pas raisonnablement produire quelque chose de sain dans ces conditions-là. Il faut au contraire ouvrir, aérer, et c'est là qu'aussi, de nouveau, moi, ce n'est pas accablant pour les élus, parce que franchement, j'en connais beaucoup, et des gens proches qui ont négocié dans des conditions effroyables cette sixième réforme de l'État, et ils font ce qu'ils peuvent. Mais donc, ce n'est pas accablant pour les élus, c'est aussi pour, ce serait aussi instructif pour les électeurs, qui sont forts dans une posture, oh, c'est nul, il n'y a qu'à, alors que si des citoyens devaient se pencher eux-mêmes sur nos problèmes de tuyauterie institutionnelle, ils verraient que ce n'est pas facile. Si ce confrontés entre francophones et flamands, ils verraient ben non, que ce n'est pas si facile. Donc, une fois de plus, et comme toujours, ce n'est pas démocratiser plus, ce n'est pas contre les élus, ce n'est pas uniquement pour les électeurs, c'est pour tout le monde. Et démocratiser, singulièrement démocratiser la manière dont on réfléchit aux réformes de l'État en Belgique, c'est C'est crucial, non seulement parce qu'il faut démocratiser, mais aussi parce que là, on va droit dans le mur. On ne peut pas continuer à avoir des gouvernements qui sont, au fond, insatisfaisants, soit de part, soit de l'autre. C'est un peu le choix de Sophie. C'est qui ? Alors, on va être minoritaire du côté francophone ou du côté néerlandophone ? C'est insatisfaisant. Ça rajoute aux crispations. Donc, il y a deux bonnes raisons, en fait, en Belgique, d'avancer dans la démocratisation. C'est parce qu'il faut le faire, parce que le modèle occidental est hérité du 19e siècle et basé sur des prémices qui ont fait leur temps. Mais en plus en Belgique, parce que sinon, on va droit dans le mur et on va précipiter la fin de l'État et la fin de la Belgique, ce que veut d'ailleurs la NVA, bien sûr, ouais. Ils sont cohérents, mais évidemment, ils sont cohérents. Et donc, moins le système fonctionne, et plus il est insatisfaisant sur les francophones, plus il nous pousse dehors en ne devant rien faire. Et donc, rien que pour ça, on est obligé encore plus que les autres pays de le faire, parce que sinon, le modèle... belgo-belge, là, avec ses sixièmes réformes de l'État qu'on négociait dans le secret à Val-Duchesse, dans l'opacité totale, et puis voter au Parlement comme avec des disciplines de vote tellement coercitives que les élus en viennent à voter n'importe quoi, eh bien ça ne fonctionne plus. Ça ne tient plus, ça ne tiendra plus. Bon, on arrive un peu à la fin, à Emmanuel Bourgaud, parce qu'il y a une fin, quoi. C'est comme ça. Mais par exemple, on n'a pas parlé de toi et tes étudiants, mais moi, ce que je proposerais dans un futur, c'est de peut-être venir, moi, avec mon micro, enregistrer peut-être ton travail sur le terrain, voir un petit peu comment... Tu dis ? Et mes étudiants, parce qu'on fait beaucoup d'expériences pédagogiques, parce que le pouvoir est un... Et donc, autant je pense qu'il faut démocratiser le pouvoir au niveau de la Belgique, autant j'essaie de démocratiser mon pouvoir en tant que prof, sinon c'est pas cohérent. Et du coup, on fait des expériences de démocratie avec mes étudiants. Et donc, on va t'inviter. Par exemple, dernièrement, on a fait le laboratoire démocratique, qui était vraiment chouette. L'idée, c'était que... Donc, les chiffres sont catastrophiques. Un jeune sur 20 pense que voter, ça ne sert à rien. Est-ce qu'ils sont pas lucides, ces gamins, quelque part? Mais non, mais... Quelque part, tu vois, c'est ça aussi, parce que peut-être par le biais de tes étudiants et tout, ça montre que, au fond, à 18 ans, on leur demande de voter, mais il n'y a pas eu au préalable plein de choses qui font qu'ils se sentent concernés, qu'on aborde des sujets de l'histoire, justement, de la démocratie, blablabla, enfin, alors que c'est passionnant, alors que ça nous concerne tous, tu vois, mais on pense plus à n'importe quoi, rien à voir. Enfin, je trouve que les étudiants, ça donne... parce que souvent, on dit, oui, les étudiants, ils sont nazes, ils sont pas bien éduqués. La nouvelle génération, bah attends, excuse-moi, mais c'est nous qui les avons mis au monde, en gros. Hein. C'est une image pour expliquer que les jeunes, ils sont le fruit d'une société aussi, quoi. Et c'est pour ça que moi, je fais ça avec eux, parce qu'au départ, c'est « Oh, madame, c'est compliqué, etc. » Mais bah, c'est pour ça que ce serait génial que tu viennes les voir et que tu viennes les interviewer aussi. C'est que, par exemple, le laboratoire démocratique, bah, de toute façon, je fais voter à peu près tout le temps dans mes cours et je constatais aussi cette même désillusion par rapport au système. J'aurais dit « Ok, mais vous, en plus... » Vous avez une mission là en tant qu'universitaire. J'ai une très haute conception de ce qu'on fait à l'université, pas dans le format élitiste, mais dans le format grand devoir, grand pouvoir, grande responsabilité. On doit quelque chose à la société, puisque c'est quand même la société qui paye, qui nous paye. Et je sais que le Minerval est cher et sans doute déjà trop cher, mais enfin, par ailleurs, ça coûte encore plus cher à la société ce qu'on fait. Et donc, j'aurais dit, ok, mais nous, vous en tant qu'étudiant universitaire, vous ne pouvez pas vous contenter de dire tous pourris, ça sert à rien, proposer alors. Et le principe, c'était râler, c'est bien, proposer, c'est mieux. Et j'aurais dit, allez-y, quoi, parce que fort de cette idée auquel je crois de plus en plus que la complexité était le plus grand obstacle aux réformes, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que des juristes, justement, se posent la question de, tiens, je veux faire ça, mais à quel niveau de pouvoir je veux le faire? Quels sont les obstacles juridiques? Et on a présenté le résultat des travaux au printemps des sciences, c'était super dans le cadre d'un laboratoire, voilà, un laboratoire inspiré de Jules Verne, parce que Jules Verne, il avait réussi à créer un monde merveilleux, fait de désir de voyage, d'envie de changement, d'espoir de transformation, à partir des peurs que suscitait la révolution industrielle, et nous, on a fait la même chose à partir des peurs que manifestement provoquent les espoirs de révolution démocratique. démocratique. Et c'était super. Après ça, et franchement, parce que pendant un week-end, ils ont défendu, donc les gens venaient et ils présentaient, les gens pouvaient voter pour leur proposition coup de cœur. Une fois, exactement comme tu le dis d'ailleurs, parce que quand on dit que les jeunes, ah, ceci, moi je trouve que c'est absolument n'importe quoi, parce que quand de nouveau l'enseignement universitaire propose autre chose et quitte sa posture 19e siècle, parce que l'enseignement universitaire c'est un peu comme la représentation, et rester aussi avec les professeurs sur leur piédestal, il y a beaucoup de parallèles à faire entre les représentants et les professeurs, les élus et les professeurs universitaires, et donc on leur propose autre chose. Eh bien, ils sont là le week-end, ils se déchaînent, et en plus, pour eux, c'était très formateur, parce qu'au début, c'était un peu timide, et puis, eh bien, il faut qu'à la 50e fois qu'ils présentent leur proposition démocratique, ça vient tout seul, et on a eu vraiment des centaines de visiteurs sur le week-end, qui aussi, et ce que je dis chaque fois, c'est que c'est pour ça qu'il faut pas, personne ne doit avoir peur, c'est merveilleux, en fait, quand les étudiants, avec le public, et c'est un public très bigarré au Printemps des sciences, donc c'était vraiment chouette, était là alors qu'il faisait beau dehors, et là il faisait peut-être beau dehors mais il faisait aussi beau dedans, parce qu'on parlait de démocratie, on échangeait des arguments, on discutait, et tout le monde on s'en est retrouvé non seulement content mais grandi. Eh bien, ça veut bien dire que ça produit, qu'on est mûr, parce que en fait au fond, qu'on est réfléchi, c'est incroyable, parce que le schéma actuel de gouvernement a été décidé en 1919 quand une majorité de la population était analphabète. Depuis, c'est très bien, une majorité de la population n'est plus analphabète grâce au progrès de l'instruction obligatoire. Les gens sont mûrs, ils savent, ils peuvent discuter, ils peuvent rêver de politique. C'était vraiment génial pendant ce week-end-là. Et les étudiants ont fait des merveilles. Et donc, ça veut dire, une fois de plus, qu'au départ, à partir d'un point de vue... Oh, madame, on s'en fout, ça ne nous intéresse pas. Ben là, ils étaient super motivés, super impliqués. Et il y en a beaucoup qui, je pense, ça va même, j'espère, créer des vocations, parce que du coup, ils rentrent à la maison, ils en parlent, les familles viennent, l'université s'ouvre, donc c'est tout bénef. Donc on va t'inviter, oui, on va t'inviter à une expérience comme ça. Et toi, en quelques mots, parce qu'on arrive vraiment à la fin, Anne-Emmanuel Bourgeau, vous êtes vu comment dans votre métier, dans votre travail, dans votre thèse, comment ça roule pour vous? Non, mais est-ce que vous êtes entendu? Est-ce que ça marche, ces idées, que cette recherche que vous avez faite, ces idées que vous menez en classe? Ça marche pour moi, tout à fait, parce que ça est vraiment... Je suis tellement contente de ça, grâce donc à un accord qui avait été passé entre l'ULB et l'Université de Mons. L'école de droit dans laquelle j'enseigne, qui est une école qui a lieu à Mons, enfin à l'Université de Mons, mais qui est co-gérée par l'ULB et l'UMons, grâce à ça, un poste s'est ouvert sur les thèmes de la démocratie-citoyenneté auquel j'ai postulé et que j'ai pu avoir. Et ça a été vraiment très, très chouette pour moi, parce que ça veut dire que c'est un cadre idéal pour mener mes recherches, mais pour aussi faire ce que j'appelle la recherche-enseignement, toutes mes expériences pédagogiques en matière de démocratie. Et donc ça, c'est vraiment précieux, parce que de fait... comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas toujours été facile, loin s'en faut, et puis par ailleurs, le monde de la recherche et le monde du milieu universitaire, de la carrière universitaire est de plus en plus difficile. Il y a combien de chercheurs talentueux qui doivent arrêter en route parce qu'il y a des problèmes de financement, et que ça, c'est peut-être une autre chose dont on pourra parler une autre fois, parce que moi je travaille beaucoup avec un groupe des excellents sur la slow science et sur les conditions de plus en plus dures qui sont mises à la carrière des chercheurs, ce qui a aussi des répercussions sur la manière dont on enseigne et qui pousse à c'est l'importation de critères de d'excellence et de managering tout néolibéral dans des secteurs qui devraient justement être des oasis exempts de ces tensions-là, les critères, les pressions de rentabilité, de ranking sont de plus en plus de plus en plus omniprésent. Et donc moi, c'est un bonheur intégral, non seulement de pouvoir être dans cette école de droit, et aussi d'être au contact de ces étudiants qui sont une cure de jouvence quotidienne, une source d'inspiration. Je dis toujours les étudiants, à cause de la pression qu'on met sur les chercheurs et les professeurs, qui est de pire en pire, et de nouveau, ce n'est pas propre à la Belgique, c'est dans le monde occidental, donc il y a là une lame de fond. De plus en plus, ces étudiants deviennent le fiel des enseignants, alors qu'en fait, ils sont le miel. Donc moi, je suis comme une petite abeille, et je reste avec mon miel, et je suis parfaitement, je fais le plus beau métier du monde, et je suis vraiment, vraiment enchantée. Mais ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile. Et donc, de nouveau, s'il y a des doctorants qui entendent cette émission, je les encourage, qui tiennent le cap, et parce que c'est vrai que c'est le plus beau métier du monde. Merci Anne-Emmanuel, c'est un long prénom, hein. Anne-Emmanuel. Anne-Emmanuel Bourgaud, vraiment une femme super intéressante, et on n'a pas tout dit encore, hein. Je vois ça. Mais voilà, merci à toi. Tu as envie de dire quelque chose de fondamental? Je voulais te remercier parce que c'est vraiment précieux de pouvoir parler longuement de sa recherche. Ça fait partie aussi de ce que je viens de dire. Le monde universitaire est certainement soumis à des pressions de rentabilité, d'urgence, de vitesse, d'efficacité, mais le monde de la presse aussi. Et du coup, m'offrir comme ça un espace de parole, c'est phénoménal. Phénoménal. Oui, c'est pas facile, hein, de changer le monde. Hein. Il y a du boulot, hein. Merci.